cours numéro 7. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Akhadna fi darsina al-akhir, al-asl al-khamis, wa huwa l'ihtimam bi sunnati nabawiyya, cinquième fondement, al-ihtimam bi sunnah, ay donner de l'importance à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala rahimahullah al-aslu al-sadis al-irtibat al-wathiq bi'ulama'i sunna. فهذا أصل مهم. تقدم معنا أن السني يجب عليه أن يتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك الارتباط بأهل العلم. لأن c'est pas tout le monde qui comprend les textes. فكم من الناس يقرؤون القرآن ولا يفهمون. أو يقرؤون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفقهون. Donc revenir à أهل العلم c'est مهم. فلهذا قال الله عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أي revenir الرسول صلى الله عليه وسلم de son vivant directement à lui après sa mort à sa sunna alayhi salatu wassalam wa ila ulil amr ay ahlul ilm wallahu subhanahu wa ta'ala qala fas'alu ahla al-dhikr in kuntum la ta'lamun wa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala al-ulama warathatul anbiya fal-ulama Allah subhanahu wa ta'ala faddalahum ala ghayrihim min al-ibad. لماذا؟ لأنهم يزون العلم. والله سبحانه وتعالى قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فعلماء السنة أئمة الملة السني السلفي يلغدن دل امبورتانس فيحبهم في الله وينصرهم s'ils sont critiqués s'ils sont attaqués فينصرهم وكذلك يدعو لهم الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يدعو للإمام الشافعي. الإمام الشافعي من مشايخ الإمام أحمد والإمام أحمد كان يدعو له في سجوده. فهكذا نحن في الدعاء ونحبهم وننصرهم كذلك الرجوع إليهم خاصة عند الفتن خاصة في المسائل الكبيرة النوازل. قال الشيخ عبد السلام لا يخفى على أحد فضل العلماء والمكانة التي يتبوؤونها في الشريعة الإسلامية ولكن بعض الناس يخلط بين الحث على الارتباط بالعلماء وبين التعصب لهم وتقليدهم وهذا خطأ كبير. أنا سيتي سيختان verset du Coran, on a cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Falhamdulillah, al-sunni al-salavi, il connaît haq al-ulama, walou bil-jumla. Lakin, tu trouves fi hada al-bab an-nas yanqasimuna ila aqsam. Fabaduhum, ils exagèrent. Wabaduhum, al-aks, ils donnent pas d'importance à ahlul ilm. Et tu trouves daiman ahlul wasat, ahlul haq, أنهم يدون de l'importance à أهل العلم لكن sans dépasser les limites et exagérer. فالبعض كما قال الشيخ عبد السلام رحمة الله عليه بعض الناس يخلط بين الحث على الارتباط بالعلماء وبين التعصب لهم والتقليدهم وهذا خطأ كبير. بعضهم يزنكوغاش à suivre les savants لكن يدépasse les limites et كأنه il faut suivre tel شيخ aveuglément. Tout ce qu'il dit il faut le prendre. وهذا خطأ كبير لأن السني يكون منزلة العالم والسني يعتقد أن العالم ليس بمعصوم فنحبه ونعتقد أنه يصيب ويخطئ كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وكان يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم On peut prendre la parole de quiconque ou la rejeter, sauf Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Fa manzilat al-alim, on n'a pas le droit d'exagérer, le placer. Manzilat al-risala. Et on prend tous ces aqwal et on n'a pas le droit de contredire, on n'a pas le droit de rejeter, on n'a pas le droit de délaisser. Là, lakin bihtiram. T'as un autre extrême, annahum, ils prétendent combattre al-taqlid, annahu la yajouz al-taqlid wa hadha haq, lakin, ils reviennent plus à Ahl al-ilm. Et ils veulent étudier al-masa'il seul. Et ils se reposent que sur les livres, faqat. Et tu les trouves bisouhou là. Ils disent que les savants ils se sont trompés et ne reviennent pas à eux. C'est un djanib qui fait beaucoup de mal. Al-wasat, on s'écarte du taqlid, lakin on revient à Ahl al-ilm. Ne pas comprendre comme un fa'al al-ba'd. Ba'duhum, ils ont compris revenir à Ahl al-ilm, ils ont compris à taqlid. Il faut les suivre dans tout. Khata. Ba'duhum, ils ont compris, il faut s'écarter du taqlid, ils se sont écartés de Ahl al-ilm. Khata. Nous, on revient à Ahl al-ilm et on s'écarte du taqlid. هكذا منهج أهل السنة والجماعة. قال الشيخ عبد السلام فالارتباط بالعلماء يعني أخذ العلم عنهم والاستفادة منهم بالتوجيه والإرشاد ونحو ذلك. أولا on prend العلم عنهم, celui qui peut directement فالحمد لله نعمة عظيمة, et celui qui peut pas directement فيستفيد من كتبهم ومن أشرطتهم وكذلك التواصل معهم avec tous ces أجهزة ولله الحمد. S'il a un problème, il téléphone, il pose sa question. ارتباط, il y a un lien entre lui et أهل العلم. Une umma où ce lien il est coupé, c'est une umma عياذا بالله qui se fera beaucoup de mal. فلهذا أهل البدع والأهواء قديما وحديثا دائما يطعنون في أهل العلم. Pourquoi ? Pour écarter la masse de l'ulama. Avec des assalib, khatira. Annahum, ils ne connaissent pas le waqi'. Annahum, ils ne connaissent pas ce qui se passe dans tel pays. Ba'duhum, annahum, c'est pas, je ne suis pas un muqallid, donc il ne revient plus à Ahl al-ilm, iyadam billah. Wa ta'n fi al-ulama, c'est min alamat Ahl al-bida'i wa al-dhalal. Kama qala, ghayru wahid min Ahl al-ilm. Alamatu Ahl al-bida'i. الطعن في أهل الأثر في علماء الحديث فإياك وإياك تطعن في عالم من علماء السنة. Tu peux pas être d'accord sur tout, لكن ne pas prendre son قول, ça veut pas dire le critiquer. أبدا. Tant que c'est un savant de la سنة, أولا tu dois avoir cette عقيدة أنه il peut se tromper. C'est pas un avis, c'est un savant. Et s'il se trompe, c'est un shaykh, c'est un alim, c'est un imam, robbama. On dit alhamdulillah, c'est min bab al-ijtihad wa lahu udru. Bal an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bayyana anna si le savant il se trompe, falahu ajr. Limadha li'annahu il a fait un effort. Wa idha asaba falahu ajran, s'il a raison, fa il a deux récompenses. Fa alhamdulillah yadur ma'a al-ajr wa ma'a al-ajrayn. Wa nahnu n'est pas obligé de prendre tous ces aqwal, lakin bi ihtiram wa bi adab. قال الشيخ عبد السلام كما أنه يعني أيضا قال نعم والإرشاد ونحو ذلك كما أنه يعني أيضا تقليدهم ممن يسوغ له التقليد من العامة ومن ليس مؤهلا لتمييز القرار في القضايا العلمية. نعم أما العوام qui n'ont pas les moyens de comprendre, qui n'ont pas les moyens de رجح, فهؤلاء كثير من العلماء يقولون يقلدون. هذا ما لهم إلا هذا. في الحقيقة إذا استطاع هؤلاء السؤال كما قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر, يدمون يفون des efforts, فالحمد لله. التقليد هنا ça doit pas pousser ouvrir une porte أنهم يفون plus d'efforts pour rechercher الحق أو أنهم si quelqu'un les conseille ils disent لكن شيخ un tel il m'a dit. Là, si واحد te conseille, il t'emmène un burhan, il t'emmène le قول d'un savant, القول إلى أقوى الحجة لأوضح, يجب على العامية وغير العامية دو غوفنيغ وحق. نعم, لكن معلوم أن بعض العوام ils n'ont pas contact avec les savants, personne pour leur montrer, ils peuvent même pas poser la question. فهؤلاء s'ils suivent un savant de la sunna, falhamdulillah, ils seront ala khair fi hada. Il y en a, même si ce savant il peut se tromper, ça ne sera pas une erreur qui leur fera du mal. Fi l'aqida ou fi tawhid ou abadan. Abadan, ça sera des masa'il fi hakhila. S'ils n'ont pas le choix, falhamdulillah. Naqra ba'd kalam ahl al-ilm sur ce point. Avant de continuer la lecture de Cheikh Abdussalam, Cheikh Abdussalam il a cité un long kalam de Cheikh Sa'di rahimahullah, on le lira ensemble bi'idhnillah. Qabla hadha qala l'imam al-Shafi'i rahimahullah ajma' al-ulama, l'unanimité des savants, anna man istabanat lahu sunnatu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam lam yakun lahu an yada'aha ila qawli ahad. Ijma' al-ulama, celui qui aime les savants, qui suit les savants, fa hadha manhaj ahli al-ilm ajma' al-ulama, ils sont tous unanimes, anna man istabanat lahu sunnat ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui a pris connaissance d'un hadith et l'a compris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lam yakun lahu an yada'aha ila qawli ahad, la yajuz la an yatruk al-hadith wa yaqul qala al-shaykh fulan aw qala al-imam al-fulani hadha haram. لماذا لأن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فرض على الجميع على العالم وعلى الجاهل. On n'a pas le droit de délaisser القول الصحيح الواضح et prétendre tel cheikh il l'a dit. وبعض الناس عندهم مرض عيادا بالله أنهم يفعلون une معصية أو une مخالفة, et quand ils sont conseillés ils disent mais tel cheikh il a dit, le cheikh il a dit, et si c'est une erreur فإنشاءالله il est ma'jour, et c'est un mujtahid, et il a fait un effort pour rechercher le haq. Amma al-muqallid, qui ne veut pas rechercher le haq, fa il est athim. Et la yajouz la, annahu, il prétend, Cheikh Fulan, il a dit, bi ijma' ahli al-ilm. Il n'y a pas de khilaf, hada, c'est l'unanimité. Wa qala al-imam Ahmed, rahmatullah alayhi. Ibn Abd al-Barr, rahmatullah alayhi, al-imam, fi kitabihi, al-tayyib jami' bayan al-ilm wa fadlih, il a cité, hadihi, الآثار كثير منها. قال الإمام أحمد رحمه الله رأي الشافعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله عندي رأي. هكذا العلم. الإمام أحمد يقول لافي دو سفيان أو دو الشافعي أو دو الإمام مالك أو دو الإمام أبو حنيفة سي دي زافي. الإمام مالك أحيانا إلى غزو أحيانا سليم الإمام أبو حنيفة أحيانا سليم الإمام الشافعي أحيانا سليم الإمام سفيان وهكذا سي دي زافي. قال رحمة الله عليه وهو عندي سواء. هكذا أما الهوى penser que tel شيخ il a forcément raison et tel شيخ il a forcément tort, c'est الهوى. أما نحن هكذا on doit être avec أهل العلم. L'avis de Cheikh Ibn Baz c'est un avis, il peut avoir raison, il peut avoir tort. L'avis de Cheikh Al-Albani c'est un avis, وهكذا بقية أهل العلم. Amma penser que Cheikh Al-Albani a toujours raison ou Cheikh Ibn Baz a toujours raison, hada c'est le hawa et c'est le jahl. Qala rahmatullah alayh wa innama al-hujja fi al-athar. Al-hujja c'est fi al-athar, c'est fi qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est fi al-Qur'an, c'est ijma' as-sahaba, c'est ça al-hujja. Amma l'avis d'un savant, l'imam Abu Hanifa il a des erreurs, l'imam Malik il a des erreurs, l'imam Shafi'i il a des erreurs, l'imam Ahmed il a des erreurs, ils ne peuvent pas toujours avoir raison. Mais ben, alors que les imams qui sont venus après eux. Alors nous avons cette aqida, que celui qui ne se trompe pas, c'est le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fayajib ittiba'u fi kulli shay. Amma autre, fait comme a dit l'imam Ahmed. C'est un ra'i, c'est un avis, enfin, on peut prendre, on peut rejeter. Si c'est un savant, bien sûr avec mahabba ou ahtiram. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع وإنما الحجة النص والإجماع. Quand il y a un khilaf بين أهل العلم, tel شيخ il a un avis et tel شيخ il a un avis, que ça soit في الفقه, que ça soit حكم على كتاب أو على رجل أو autre, quand il y a un نزاع بين أهل العلم, on n'a pas le droit de faire passer la parole de tel شيخ avant tel شيخ. Celui qui fait passer la parole alors qu'il n'y a pas de délil, fait le haqiqa, il suit pas le haq, il suit le shir. Et là, c'est très grave. Qala shaykh al-islam, innama al-hujja an-nass wal-ijma'. La preuve, c'est quoi? C'est un nass, Quran ou sunnah, ou ijma', l'unanimité. Amma quand il y a un khilaf, fais attention de ne pas suivre al-hawa. Tu prends tel avis et annahu, ça te. ça t'avantage. Tu prends tel avis et elle n'atteint pas un tel et tu veux le contredire. Tout ça, c'est le hawa. C'est du din, hada. C'est du din, c'est pas dunya l'an. Et din, c'est fondé sur l'ikhlas ou l'mutaba'a. Kadhalik, quand il y a un khilaf, l'akthariya, elle n'a pas forcément raison. Ou l'qilla, c'est pas forcément une erreur. Quelques machaïk, ils ont un avis et la majorité, ils ont un autre avis. La majorité, elle n'a pas forcément raison. Al-hujja, c'est le nas ou l'ijma'a. La question se pose, pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans ces masaïl al-jahl? Pour revenir à l'hujja, al-nas ou al-ijma', il faut du ilm. Amma taqlid, c'est très simple. Quand il y a une fitna, un khilaf, tel shaykh il a raison. Pourquoi les annahu, c'est un tel ou ils sont plusieurs? Ah là, c'est très simple, tout le monde peut le faire. Amma al-tajarrud, al-insaf, al-ikhlas, faire des efforts, patienter. C'est ça, tariqu al-anbiya. Amma suivre la majorité, c'est pas une solution, abadan. Kadhalik, ça veut pas dire que quand il y a un khilaf, la majorité elle a forcément tort là. Ahyanan, la minorité ils ont tort et c'est la majorité qui a raison. C'est quoi le mizan? Comme a قال l'imam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, "Innam al-hujja an-nass wal-ijma'." قال rahmatullah alayh, فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية قاعدة ساسين غير كي تسيرفيرا أخي الكريم أن أقوال العلماء سي با اون حجة سي با اون بروف أقوال العلماء لا يحتج لها أي أنها تو لابخونكم حجة لا أقوال العلماء قال لا يحتج بها لكن يحتج لها. À quoi le ulama, pour le prendre, tu as besoin de renforcer avec un dalil. C'est pas le qawl qui t'emmène le dalil là, ou le qawl lui-même c'est le dalil là. Vous avez compris al-farq. Enfin, le qawl, en d'autres mots, s'il est fondé sur le hujja, on l'accepte. S'il n'est pas fondé sur le hujja, enfin, on l'accepte pas. Et si c'est un savant de la sunna, alhamdulillah, il a son excuse. Amma l'appliquer, fala. Wa qala al-imam ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahmatullah alayhi. وهذا في كل مسألة حصل فيها اختلاف وليس الصواب وقفا على أحدهم بعينه والخطأ وقفا على الباقي. هذا مهم. لكن مثل هذه النقولات من علمائنا من أئمة الإسلام الحقيقة لابد من تطبيق. أما القراءة سهل وهذه النقولات منتشرة ولله الحمد، لكن عند الفتن، عند النزاع، عند الاختلاف، on doit faire attention. قال ابن أبي العز وليس الصواب وقفا على أحدهم بعينه والخطأ وقفا على الآخر. Quand il y a un khilaf, بعضهم يكون même pas le hujja. Il sait même pas encore qu'est-ce qui se passe à la mas'ala. Il penche déjà. لكن شيخ un tel il a dit. لا أخي ما تدري. ادرس المسألة أولا. لكن هذا الميل c'est le hawa. Et pencher vers un autre alors qu'il ne connaît même pas la mas'ala. Étudier la mas'ala, celui qui a le hujja, c'est lui qui a raison. Si c'est des savants de la sunna, alhamdoulilah, on les respecte et on prend un tel, pas parce que c'est ton shir, ou parce qu'ils sont plusieurs, ou parce qu'il vient de tel pays. Là, li'annahu il a le hujja. Qala ibn Abi al-Izz, wa man i'taqada hadha falyuraji' aqlah. Celui qui pense que tel shir, il a forcément raison. Même s'il n'a pas de dalil, il faut qu'il... يراجع عقله. Il vérifie son عقل. لماذا؟ لأنه il a un problème dans son دين et il a un problème dans la raison. لماذا؟ لأن الحق ça peut être avec un tel, ça peut être avec un autre. Un jour ça peut être tel cheikh qui a raison, un autre jour il se trompe et c'est un autre. هكذا حكمة الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال الإمام المعلمي رحمة الله عليه بمعنى كلامه أن الله سبحانه وتعالى ربما هذا العالم من العلماء الأئمة الكبار يخطي في مسألة زلة هفوة quelque chose ça, il le pousse cette chose elle le pousse à se tromper et Allah subhanahu wa ta'ala يبتلي العباد هل يتبعون الحق أو الرجل. لهذا on doit faire attention. أحيانا شيخ الإسلام ابن تيمية إمام كبير il se trompe. Si tu cherches le حق tu prends pas son قول في هذه المسألة et ça reste شيخ الإسلام. وهكذا بقية الأئمة الأحياء والأموات. قال ابن أبي العز رحمة الله عليه فإن هذه غفلة عظيمة. غفلة هذا صاغيف de ceux qui sont éloignés du علم. Ils suivent فقط. قال وإذا كان الأمر كذلك فما من أحد وقد فاته الصواب ولو في مسألة قد خالفه فيها غيره. N'importe quel savant, les anciens ou les contemporains, مهما بلغ علمه, لا شك أن dans une مسألة ou plusieurs il s'est trompé. لماذا؟ لأن il peut pas tout connaître. العصمة c'est les رسل والأنبياء. Il y a une فائدة عظيمة. فائدة عظيمة أن العصمة للأنبياء فقط. لماذا؟ لأنهم سهم المرجع, سهم القدوة. مثلا نحن notre أمة, tout le monde peut se tromper, sauf le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Il y a une حكمة عظيمة, on doit tous le suivre. أما il y aurait un deuxième qui se trompe pas, on doit suivre les deux. Hadala. Celui qui est suivi, c'est le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Tout le reste, ils peuvent se tromper. On a ce mizan, on regarde leur aqwal. قال رحمة الله عليه نختصر الكلام فعليه أن يعرضها على الدليل ولا يقتصر على ما قاله أصحابه في الكلام عليها لاحتمال أن يكون عنده من خالفه من الدليل ما ليس عندهم. كذلك quand il y a un خلاف بين أهل العلم, tu fais des recherches. أما واحد que tu connais, il t'a dit c'est كذا, et il cite que l'avis qu'il a lui ou qui veut lui ou qui suit lui, فربما الحجة est avec un autre. On fait attention, لا تتعصب لشيخك, لا تتعصب لأقوال زملائك. أي تزامي أنهم يكون السقول سفقسم الحق. لا, الإنسان الإنصاف والإخلاص يبحث عن الحق فإذا وجده الحمد لله. لا يفهم من هذا الكلام أن الإنسان ينظر في كلام أهل البدع والضلال. لا, الخلاف qu'on parle الآن c'est entre علماء السنة. مثلا الإمام الشافعي رحمة الله عليه, il a divergé avec l'imam Malik rahimahullah. On regarde, peut-être que la vie, car celui qui a raison c'est l'imam Shafi'i, peut-être que c'est l'imam Malik, ça demande des recherches. Les savants contemporains, les ulama, les mu'assirun. Amma ahl al-bid'a aslan, tu t'approches pas d'eux, tu n'écoutes pas d'eux, wa hakada. Alhamdulillah, Cheikh Abdus Salam, on va lire son kalam fi hadha inshallah ta'ala. Fa ala kulli hal, al-mizan الحقيقي الشرعي سي القرآن والسنة. فلا يجوز التعصب والتقليد, كذلك لا يجوز الابتعاد عن أهل العلم. فخير الأمور وسطها. قال الشيخ عبد السلام وغنيان سون كلام رحمة الله عليه, وهذا الارتباط بعلماء السلف سبق أن قررناه ووضحناه وبيناه وبينا فوائده وبينا الأضرار التي تترتب عندما يتخلى الناس عنه. الجهال, ils ont pas العلم pour ميز بين الحق والباطل. حتى طلبة العلم, si les débutants il a pas assez appris, il y a des choses il comprend pas. C'est pas comme العالم, العالم il a اطلاع واسع, il a des années d'expérience, il a étudié, وهكذا, enfin il comprend des choses que nous on n'a pas encore compris. Si on revient vers العلم, c'est un chemin عياذا بالله pour s'égarer. Si on serait revenu à tel savant, il nous aurait montré c'est mashrou' ou c'est haqq ou c'est wajib ou c'est une sunnah ou telle chose c'est une bid'a, c'est haram, écartez-vous. On serait revenu très simplement, il te cite la mas'ala avec un délil, il te donne un mordi' rubama, alhamdulillah. Amma tout seul, c'est pas hakada ad-din. Ad-din, on a des savants, enfin on revient à eux. Hadha la budd. Qala, يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في معرض بيان نعم الله على هذه البلاد, أي المملكة العربية السعودية. الشيخ السعدي رحمه الله عليه, هذا الكلام pour montrer la ni'ma dans laquelle il vit. Ça soit à l'époque de الشيخ السعدي إلى الآن ولله الحمد. قال فنقى لكم دينكم من البدع والإشراك وسلمكم من وسائل الشرك وطرق الغي والهلاك بوسائل وأسباب يسرها سبحانه, حيث أقام لكم كل إمام قد استقام على الصراط المستقيم. نعمة عظيمة بلادك يا دي سعب. هنا هنا مثال ولله الحمد. Jusqu'à aujourd'hui المملكة العربية السعودية بلد طيب, بلد كي يتفوندي سور سنة, ويحترمون العلم ويحترمون أهل العلم. هذه النعم الآن كي في كسا سوا نيفو الدنيا أو بغابور الدين, الحمد لله سي par la grâce d'Allah, بفضل الله عز وجل, ثم بجهود الرجال. قال ف فكان إمامكم الإمام أحمد ابن حنبل أكبر إمام نقل السنة والكتاب وبه وبأصحابه وبأتباعه ونظرائه يعرف السن من البدع من سائر الطوائف والأحزاب. نعم من كبار أئمة الإسلام الإمام أحمد رحمة الله عليه لقب بإمام أهل السنة رحمة الله عليه. قال حتى أقام الله donc il cite le premier exemple الإمام أحمد رحمة الله عليه حتى كما قال أنه كان يعرف به السن من البدع لأن من علامات أهل البدع الطعن في الأئمة. فالسلوي كي كريتيك الإمام أحمد رحمة الله عليه اعلم أنه il est pas على السنة. لماذا؟ لأن pourquoi il critique l'imam Ahmed؟ Est-ce qu'il a un problème de dunya معه؟ أبدا. Est-ce que l'imam Ahmed il lui a fait quelque chose؟ أبدا. Ils se connaissent pas. Il le critique إلا parce que l'imam Ahmed نصر الدين نصر السنة et ça le dérange. وهكذا إلى يومنا هذا. Ce qui critique l'ulama, لماذا il le critique؟ Est-ce que l'alim il lui a pris un haq؟ Est-ce qu'il y a eu un commerce entre eux؟ أبدا. Rien de tout cela. Il critique أهل العلم لماذا؟ Pour critiquer ce que le alim y propage. فلهذا السلف considérait ce qui critique l'imam Ahmed ou غيره من الأئمة أنه il était من أهل البدع والضلال. قال حتى أقام الله شيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن تيمية فجاهد الكفار والمنافقين والسائر الملحدين وأظهر من صريح السنة وأعلامها وعلومها ما عجزت عنه مدارك الأولين والآخرين. نعم شيخ الإسلام خير كبير إلى فيبغ الأمة. لا شك أن قبله يا دي سافون ils avaient plus de علم que lui que l'imam Ahmed إلى آخره لكن il a fait beaucoup d'efforts رحمة الله عليه. Ses livres, c'est un délil à la hada. Il a consacré sa vie pour hadad-din. فَنَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَزَّ وَجَلُ قَالَ وَسَلَكَ طَرِيقَتَهُ تَلَامِدَتُهُ وَأَتْبَعُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ وَمِنْ أَبْرَزِهِمْ الْإِمَامِ ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. Un des élèves de Cheikh l'Islam. كذلك, ils ont propagé الدعوة après lui. كذلك, الإمام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه كذلك الإمام ابن رجب tout cela c'est مدرسة شيخ الإسلام إما ils ont pris من الشيخ الإسلام directement أو de ses élèves كذلك ابن مفلح كذلك الإمام الذهبي فشيخ الإسلام il a fait beaucoup d'efforts et ses élèves ils ont fait beaucoup d'efforts حتى الخير s'est propagé يرحمك الله. قال وسلك طريقته تلامذته وأتباعه من العلماء المحققين حتى جاءت النوبة بشيخ الجزيرة وإمامها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه حتى long period ثم الله سبحانه وتعالى يسر لهذا الإمام الدعوة il lui a facilité beaucoup de choses فنشر الخير بإذن الله عز وجل فقام بهذا الأمر أتم القيام فلم يزل في جهاد مع الأعداء حتى نشر التوحيد الخالص والسنة المحضة بين العباد وقمع الشرك ووسائله والبدع والفساد فخلصت الجزيرة ولله الحمد وانصبغت بالسنة والتوحيد فسلمت بمساعيها المشكورة ومساعي تلامذه وأحفاده وأنصاره من الشرك بإذن الله عز وجل. أنهم ils ont fait beaucoup d'efforts حتى طهروا بإذن الله الجزيرة من الخرافات والشرك لأن الخرافات التي تغبنوا في مكة وفي غيرها ثم هذا الإمام avec ses élèves avec ses enfants ils ont fait un jihad عظيم tout ça بفضل الله عز وجل et الحمد لله كثير من الناس ils sont revenus au tawhid في الجزيرة et de nos jours ça s'est propagé walillahi alhamd partout wa al a'da il combat hadhihi al da'wa il l'appelle al wahhabiyya et la combat layl nahar limadha li'annahum nassaru al tawhid wa al sunnah fa tu trouves a'da al sunnah wa al tawhid que ce soit al kafara al yahoud wa al nasara ou al zanadiqa kal rawafid wa al jahmiyya ou al dhullal kal soufiyya tout cela mujmi'un ala al ta'n. Il critique al-mamlaka. العربية السعودية. لماذا؟ Qu'est-ce qu'elle leur a fait? المملكة. Est-ce que les Saoudiens, ils leur ont pris un haq? Ils leur ont fait un mal? Ou la chaye? Rubama, tu trouves un, واحد, il vit à des milliers de kilomètres de Saoudiens, il n'est jamais parti là-bas, il ne connaît rien de celui-là. Ou yat'an fihim layl nahar. Pourquoi? Ta'athara bi ahl al-bida'. Annahum, ils combattent le sunnah ou le tawhid, ils les critiquent. Et tu trouves, ba'da al-juhal, ils critiquent. Ou ma yadri limada. Amma sunni, ils respectent ce bilal. Pas parce qu'il lui donne de l'argent ou abatan, il respecte ce bilad, لأن هذا البلاد ينصر التوحيد والسنة إلى يومنا هذا. Enfin, on les respecte et on les aime par rapport à هذا. Ça ne veut pas dire qu'ils sont infaillibles, qu'il n'y a pas d'erreur, abatan. لكن نتعاون معهم et à notre niveau ولو بالدعاء. قال الشيخ رحمه الله فلن تجد فيها ولله الحمد قبة على قبر ولا مشهدا ولا توسلا بالمخلوقين ولا مولدا ولا معبد. هذه النعمة, هذه الأشياء الآن تفرح السني. بعضهم دائما يزانفونت دي شوز أو دي رومور أو peut-être que des choses صحيحة أن في المملكة il y a eu telle chose أو ils ont fait telle chose أو ils critiquent كذلك les Saoudiens, il a bu de l'alcool, il a fait. Ils oublient هذا الخير. لماذا؟ لأن كثير من الناس ils donnent pas de l'importance au tawhid. Fait le même lacas, c'est interdit de construire sur les tombes. La sorcellerie, c'est interdit. Al-shirk, c'est interdit. Al-mawalid, tous ces fêtes inventées, c'est interdit. Walillahi alham, c'est une ni'ma. Ba'duhum, ils critiquent le même lacas, alors qu'ils harab al-shirk. Ils harab al-bida. Et tu les trouves al-thana, al-azim, sur Iran. Ma'annahu, c'est bilad al-shirk, wal-khurafa, wal-nifaq. Et tu les trouves annahum. Ils aiment ce bilad et ils les citent d'aïman en bien. L'imada, l'yanna al-mizan, c'est pas tawhid. Ça serait tawhid. Wallahi, annahum, ils auraient pas cité bilad al-nifaq wal-rafd en bien. Al-qubur, tu'bad, wal-shirk, wal-sihr, ila akhir. Qala, rahmatullah alayh, awalaysa min akbari ni'amillahi alaykum wa ajalli ihsani illahi ilaykum an qayyadha lakum haula as-sada al-ghurar الذين حفظ الله بهم الدين الصحيح وتحقق وانتشر حتى نشأتم وآباؤكم وأولادكم تشربون من معين الشريعة أصفى شراب. Il les rappelle, il les a rappelé, rahmatullah alayhi Cheikh Saadi, cette ni'ma. Annahum, ils ont été éduqués de génération en génération. حتى الحمد لله الآن, tu les trouves, ils sont في ni'ma. قال وتغترفون من زلالها أحسن اغتراف لم تدركوا هذا بوسيلة منكم ولا قوة علم ولا ذكاء إنما ذلك فضل الله الذي ليس له غاية ولا انتهاء. Tout ça, c'est بفضل الله عز وجل. Comme on a expliqué dans notre درس في سورة الفاتحة. من أعانهم وفضلهم ويسر لهم, c'est Allah سبحانه وتعالى. لكن on n'oublie pas ceux qui ont fait des أسباب et des sacrifices. أئمة السنة. قال بينما ترون الأقطار الأخرى محشوة بالشرك والكفر والإلحاد الصراح. صحيح. alors que d'autres pays c'est شرك وخرافات وقبور تعبد وفساد إلى آخر. مملوءة بالبدع وبناء المشاهد على القبور والأخلاق القباح فاحمدوا ربكم على هذه النعم التي تستطيعون لها عدا لا تستطيعون لها عدا ولا شكورا. هي نعم. C'est une ni'ma azim. Une ni'ma pour les habitants de ce pays et hatta pour les autres muslimis. Il y en a comme min khayr nasharoua. Leurs savants et leur gouvernement, wallahi alhamd, yanshuroun, que ce soit le masahif, que ce soit le kutub, que ce soit ad-du'at, que ce soit l'ulama. Et combien ils ont accueilli min ahl al-ilm, min ahl al-islam. C'est une ni'ma pour eux et kadhalik pour les autres. Fassunni. Il critique pas ce bilad. Celui qui critique ce bilad, wallah, imma c'est un jahal, imma vijay, dans son manhaj, dans sa aqid. Amma sunni, pourquoi il critiquerait ce bilad? S'il y a des choses qui vont mal, celui qui peut conseiller, conseille. Celui qui peut pas, il n'oublie pas le khayr. Qala Cheikh Abd Salam, falou annana rtabatna bihadihi l'halqati l'mubaraka, Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab. وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد رحمة الله عليهم أجمعين ارتباطا تاما وقال الله سبحانه وتعالى الوقوع في البدع والانجراف وراء الطيارات المبطلة المضلة التي ترتدي ثياب السنة والسنة بريئة منها كل البراءة. Il a cité l'exemple de ces trois imams, mais c'est pas khas pour eux. لكن هؤلاء الثلاث ils sont مشهور عند أهل السنة, ils ont fait beaucoup d'efforts. وإلا فإخوانهم من العلماء كثر ولله الحمد. Et كما قال الشيخ عبد السلام وغيبات هذا الارتباط c'est sans تقليد. Sans تقليد et الأصل c'est de rechercher الحجة لكن ولله الحمد ces trois imams ils ont fait beaucoup d'efforts et ils sont morts à la khair, nahsibuhum kadhalik wallahu hasibul jami'. As-Sunni il donne de l'importance au livre de ses imams et aux autres et alhamdulillah. Qal wa ma dakhala alayna hadha an-naqs illa yawma an tarakna hadha al-manhaj, manhaj ahli al-ilm. Quand une génération elle est venue, elle a commencé à délaisser hadha at-tariq, tariq al-a'imma que Cheikh Abd Salam il a cité ou d'autres. Des manquements, ils ont commencé à rentrer fil l'umma. قال وضربنا عنه صفحا واستغنينا عنه بمناهج استقدمها لنا أناس من مصر والهند ومن غيرها. إشارة إلى فرقة الإخوان المسلمين الضلال وفرقة التبليغ الجهال. Quand بعض الناس ils ont commencé à faire rentrer هؤلاء في المملكة العربية السعودية il a commencé à avoir du naqs في بعض الأمور خاصة الإخوان. Il faut apparaître أنهم يسعى على السنة ويحاربون السنة. ولكن الحمد لله علماء السنة à notre époque ils ont mis en garde contre eux et ils mettent en garde contre eux. فهكذا كل سني ils mettent en garde contre هؤلاء الضلال. قال وهي مناهج بعيدة كل البعد عن منهج السلف الصالح رضي الله عنهم. هذا الأصل كذلك يفول تتايه أكثر في الحقيقة ما يتعلق بالرجوع إلى أهل العلم. On essaiera كذلك de traiter ce sujet. On l'a déjà traité, لكن de le retraiter avec nos frères هنا للفائدة أي ما يتعلق بالرجوع إلى أهل العلم. نسأل الله عز وجل التوفيق والثبات. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.